On le sait, aujourd'hui les espions sont des informaticiens, des techniciens installés devant leurs claviers et leurs écrans et qui surprennent les secrets des autres grâce aux satellites, aux réseaux internet et aux écoutes téléphoniques. Bref, James Bond a vécu et les agents secrets sont devenus des ronds de cuir. D'ailleurs, ne dit-on pas que 95% de l'information drainée par les services de renseignement sont constituées par de l'information ouverte, c'est-à-dire de l'information qu'on peut simplement recueillir en lisant les revues spécialisées, les documents techniques ou les magazines scientifiques. Sans doute. Mais cette évolution de l'espionnage n'empêche pas aussi de recourir parfois aux bonnes vieilles méthodes. L'histoire exemplaire que m'a conté M. X cette semaine en est l'illustration, même si l'on y rencontre aussi les techniques les plus sophistiquées et si l'enjeu y est d'abord économique. Depuis l'écroulement du monde soviétique et la fin de la guerre froide, la fin de l'histoire, ont prétendu un peu rapidement certains, ce sont en effet les affaires économiques qui occupent en priorité les services de renseignement. Les affaires économiques, c'est-à-dire la compétition économique, plus féroce que jamais à l'heure de la mondialisation. Or, je lis dans un livre récent, Contre-espionnage et protection du secret, paru chez Lavoisel sous la signature de Bertrand Warusfeld, que d'après des chiffres communiqués par la DST aux chambres de commerce, la croissance des actes d'espionnage économique est spectaculaire. En 1993, 153 cas étaient signalés. En 1998, on en comptait plus de 2000. Comme l'écrit Bernard Gérard, un ancien directeur de la DST, désormais, les cibles technologiques et économiques s'ajoutent aux cibles traditionnelles militaires. Le cercle des curieux s'élargit. Les curieux, dit aimablement ce spécialiste, des curieux qui sont parfois, selon M. X, nos meilleurs amis. Inter. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Ah, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de 1995, Monsieur Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur du gouvernement Balladur, a lancé un vrai pavé dans la mare. Et un de plus, quoi. Mais c'était l'affaire des espions de la CIA. Hein. Exactement. Ouais. Le ministre a exigé l'expulsion de 5 agents américains. C'était une sorte de première. Ouais, pourquoi ? Parce qu'on n'avait encore jamais expulsé des espions de la CIA ? Ah si, mais on l'avait fait discrètement et avec toute l'onction diplomatique nécessaire. Que vous connaissez Monsieur Balladur. Oui, mais ça veut dire quoi ? Que personne n'en avait parlé. C'est à peu près ça, oui. Or là, l'affaire est curieusement rendue publique, des fuites, disons, opportunes. Vous voulez dire que ces fuites ne doivent rien au hasard ? Bien entendu. Mais c'était surprenant à plus d'un titre. D'abord, je vous l'ai dit, parce que ce genre d'affaires se réglait en silence, entre professionnels, et puis ensuite, parce qu'il n'était pas d'usage de révéler les secrets d'une opération de nos services de contre-espionnage. Oui, mais attendez, début 95, on était déjà entré dans la campagne présidentielle. C'est vrai, et certains n'ont pas manqué de le souligner. Cette révélation de l'existence d'espions américains agissant chez nous pouvait être un coup politique. Alors, si vous voulez bien, on va y revenir. Mais il y a d'autres explications. D'accord, mais par où voulez-vous commencer, alors ? Écoutez, par le commencement, naturellement. Et donc, en 1992, cette année-là, un brillant sujet de notre administration fait une rencontre très intéressante. Et ce brillant sujet, hein ? Oh, je peux vous donner son nom, puisqu'il a été révélé en 1995. Il s'appelle donc Henri Plagnol, et il est aujourd'hui député. Et à l'époque, qu'est-ce qu'il était ? À l'époque, il était conseiller d'État, spécialiste des relations internationales. Il est aussi professeur à Sciences Po. Il ne fait nul doute que cet ancien normalien ait promis un bel avenir. D'accord. Et la rencontre ? Elle s'appelle Marianne Baumgartner. C'est une Américaine qui mène grand train et possède un des meilleurs carnets d'adresses de Paris. Est-ce qu'elle est une occupation bien définie ? C'est quinquagénaire encore séduisante et la représentante en France du Dallas Market Center, un organisme texan qui a pour vocation de favoriser et développer les échanges transatlantiques. Ouais, pour le plus grand profit des États-Unis, j'imagine. Évidemment. Ouais. Et cette Marie Baumgartner fait donc du lobbying ? Officiellement, ça y ressemble en effet, oui. Officiellement, c'est-à-dire que officieusement. C'est tout autre chose, mais enfin, n'allons pas trop vite quand même. Attendez, Comme nous parlons d'espionnage, c'est pas très difficile à comprendre. Hein. D'accord, mais enfin, laissez-moi poursuivre. Marianne Baumgartner, qui est installée en France depuis une dizaine d'années, connaît donc beaucoup de monde. De quel milieu ? Oh, essentiellement économique et politique. Mais elle compte aussi des amis dans les cercles culturels. Ouais. Et avez-vous dit, elle vit sur un grand pied ? Incontestablement, elle vit dans un bel appartement du 7e arrondissement de Paris, et elle fréquente aussi les meilleurs restaurants de la capitale. Bien, alors, comment rencontre-t-elle là, ce brillant haut fonctionnaire ? À l'occasion d'une réception à l'UNESCO. Un ami commun les présente et l'américaine et le jeune français sympathisent immédiatement et décident de se revoir. Ouais. Il y a quelque chose d'autre que de la sympathie ? Vous voulez dire une attirance physique ? Bah oui. Henri Planiol s'est toujours défendu d'avoir entretenu des rapports autres qu'amicaux avec Marianne Baumgartner. Enfin, il n'est pas exclu que cette dernière soit tombée amoureuse du jeune fonctionnaire. Ouais, mais vous n'en savez rien. Bah, je serai franc, non. Et puis peu importe, l'essentiel est ailleurs. Ou alors ? Henri et Marianne prennent l'habitude de déjeuner ou de dîner régulièrement ensemble. L'américaine interroge son nouvel ami sur la politique française, tant intérieure qu'étrangère. Et Henri Planiol, qui est, je vous le rappelle, professeur à Sciences Po, n'a aucune difficulté à répondre aux questions de Marianne Baumgartner. Mmh. Mais est-ce que cette insatiable curiosité n'intrigue pas le français ? Pour le moins du monde, il ne s'agit après tout que de conversations à bâton rompu. Et puis Planiol, à cette époque, ne détient absolument aucun secret. Il connaît seulement très bien les arcanes de la haute administration. Et dans ce domaine, rien n'est vraiment confidentiel. Donc aucune méfiance ? Non. Même quand l'américaine lui commande une note sur les rapports entre la France et l'OTAN. Et une commande rétribuée ? Tout à fait. Il n'est nullement interdit à un conseiller d'État de se livrer à ce genre d'activité rétribuée. Après tout, Planiol n'a fait que remettre à son ami une ressucée des cours qu'il donne régulièrement à Sciences Po. Enfin, toutefois, en 93, les choses vont changer. Pourquoi 93, là ? En 1993, va y avoir des élections législatives. Mmh. Et tout le monde prédit une victoire de la droite. Or, Planiol fait partie de ces jeunes et fringants hauts fonctionnaires qui peuvent espérer rejoindre un cabinet ministériel à l'occasion du changement de gouvernement. Oui, parce qu'il est de droite. Oui. Mm-hmm. Et Marie-Anne Baumgartner sait que Planiol risque d'être nommé à un poste important ? Sans aucun doute. Mm-hmm. Alors, on peut imaginer que ce qui a précédé n'était qu'un travail d'approche destiné à être valorisé le jour où le haut fonctionnaire accéderait à des fonctions intéressantes. C'est tout à fait possible. Enfin, dans les services secrets, on investit à très long terme, je vous l'ai souvent dit. Donc vous admettez que Marie-Anne Baumgartner est un agent. Enfin, ça me paraissait cousu de fil blanc, non ? Vous avez raison, mais vous n'avez cessé de vouloir me casser mes effets. Pardonnez-moi. Alors oui, Miss Baumgartner est un agent de la CIA et depuis fort longtemps. C'est une illégale, comme on disait au KGB, c'est ça ouais. Oui. Enfin, son travail pour le Dallas Market Center n'est qu'une couverture. En réalité, son patron, c'est le chef de poste de la CIA à Paris, Dick Holm. Alors, son véritable travail ? Elle est chargée de recueillir des renseignements dans les milieux qu'elle fréquente. Politique, économique... Oui, bien sûr, lorsqu'elle le peut, elle recrute des agents d'influence, ou même des gens qui vont devenir de vrais espions. Bah, si je voudrais ouvrir une parenthèse quand Je vous écoute. Quelques temps avant sa rencontre avec Planiol, Marianne Baumgartner a connu quelques déboires. Des déboires de quel ordre ? Elle aurait filé le parfait amour avec un type qui appartenait lui-même à un autre service. Américain ? Non, ça lui a valu des ennuis. Mais il faut croire qu'elle s'est bien défendue, car la CIA l'a autorisée à revenir à Paris et à reprendre ses activités. Mais c'est une matahari, votre américaine. Alors, n'exagérons pas, mais enfin, ces déboires expliquent peut-être son zèle à essayer de recruter le français. Ouais, peut-être. Enfin, revenons en 93. Henri Planiol est-il effectivement nommé dans un cabinet ministériel ? Oui, et pas n'importe lequel, puisqu'il rejoint le cabinet du Premier ministre à Matignon. Ouais. Et avec quelle affectation ? Il est chargé de s'occuper de la culture et des sports. Ouais. Bah, son amie Marie doit être déçue, non ? Parce que je ne vois pas de quel renseignement confidentiel il pourrait disposer à ce poste. Détrompez-vous. Pourquoi ? Parce qu'en 1993, la grande question internationale, c'est le GATT. Mais le GATT, c'est l'accord sur le commerce international. Oui, un accord qui doit être signé avant la fin de l'année. Or, un des points essentiels du GATT, c'est l'audiovisuel. Les États-Unis veulent absolument aboutir à un accord sur cette question. Un accord qui, vous le pensez bien, ouvrirait encore plus grand les portes de l'Europe au cinéma américain. Oui. Or, la France défend, elle, l'exception culturelle. Afin de sauver notre cinéma, alors vous comprenez maintenant. Pour Marianne Baumgartner, la nomination de Planiol au poste de conseiller culturel à Matignon est une véritable aubaine. Elle espère ainsi disposer d'une formidable source d'informations sur les intentions françaises. France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Pourquoi le cinéma pèse-t-il d'un tel poids dans les négociations du GATT ? Guillaume Dasquier, dans un livre très documenté paru en 1999 chez Flammarion, l'explique très bien. La nouvelle élite américaine se trouve au croisement des industries du cinéma de l'informatique et des médias. Le gouvernement fédéral considère Hollywood comme un pilier du pouvoir américain. Ses œuvres assurent une remarquable promotion planétaire aux produits américains. Hollywood n'est plus un village d'artistes fortunés que la Maison-Blanche observe amusé. Les sociétés de production et les majors qui y prospèrent représentent des enjeux commerciaux et politiques à part entière. Elles occupent des positions décisives pour mener à bien la révolution du multimédia si chère à Bill Clinton. La Maison-Blanche et le cinéma marchent côte à côte comme de vrais partenaires. La part croissante de l'industrie du cinéma dans le financement des campagnes politiques en atteste. DreamWorks, la société de Steven Spielberg, se classe parmi les premiers financiers de la campagne de Bill Clinton en 1996, ce qui, en Europe, donne à sourire, excite les analystes financiers de l'autre côté de l'Atlantique. Jurassic Park n'est pas seulement un divertissement palpitant pour dimanche pluvieux, ce film a recueilli à lui seul 5 milliards de francs de recettes, soit les bénéfices annuels d'Elf ou de la Générale des Eaux dans les bonnes années. Le livre de Guillaume Dasqui est intitulé « Secrètes affaires, les services secrets infiltrent les entreprises » et je vous rappelle son éditeur Flammarion. Est-ce que Marianne Baumgartner prend contact avec Plagnol dès sa nomination ? Elle l'appelle pour le féliciter, bien sûr. Oui. Et on convient de se voir dès que le jeune haut fonctionnaire aura terminé de s'installer et qu'il aura pris la mesure de ses nouvelles fonctions. Mais il va y avoir un os, et un os de taille. Un os de taille, qu'est-ce que vous voulez dire ? Henri Plagnol est à peine nommé qu'il est convoqué de toute urgence par le directeur de cabinet d'Edouard Balladur. C'était Nicolas Bazire. Hein, qui se trouve être l'un de ses condisciples de l'ENA. Et Bazire semble sérieusement embarrassé. Qu'y a-t-il hein ? Le directeur de cabinet vient de recevoir une note de la DST. Son ami Plagnol y est accusé d'entretenir des relations avec un agent de la CIA. Plagnol comprend tout de suite. Qu'il s'agit de Marianne Baumgartner. Ouais. Bon, ça, je sais pas. Enfin, mettez-vous à sa place. C'est un vrai coup de massue qu'il reçoit sur la tête. Parce que ça signifie que sa carrière si prometteuse risque d'être sérieusement compromise. Et d'ailleurs, Bazire lui laisse comprendre qu'il ne peut faire autrement que de démissionner du cabinet. Discrètement, bien sûr. Ouais, ça, on appelle ça convenance personnelle, c'est d'habitude. Ça, oui. Alors, qu'il vient tout juste d'être nommé. Hein. Oui, il est certain que ça fait un petit peu désordre. Mais enfin, cette démission ne provoquera pas de vagues et passera quasi inaperçue. Toutefois, pour le jeune haut fonctionnaire, vous pensez bien que l'affaire n'est pas terminée. Mais pourquoi ? Parce qu'il va avoir des ennuis ? Non. La DST sait très bien qu'on ne peut rien lui reprocher. Et vous allez voir pourquoi. Mais Plagnol, c'est légitime, veut en savoir plus. Et il prend l'initiative de se rendre à la DST. Oui, de lui-même. Et on le reçoit ? Bien entendu. Et là, non seulement on lui révèle ce qu'il a fini par deviner, c'est-à-dire que son ami Baumgartner est un agent de la CIA, qu'on a à l'œil depuis très longtemps, mais on lui montre des photos et on lui fait entendre des enregistrements de conversations. Ces conversations avec l'Américain ? Exactement. Alors c'est donc pourquoi les policiers du contre-espionnage sont bien placés pour savoir qu'il est irréprochable. Bien sûr, ouais. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Expliquez-moi pourquoi. Hein. À la fin de cette rencontre, les policiers lui conseillent fermement de cesser tout contact avec Marianne Baumgartner. J'imagine qu'il ne doit pas avoir très envie de la revoir. Hein. Effectivement. Pourtant, un mois plus tard, au mois de mai, Plagnol, qui est retourné au Conseil d'État, reçoit un coup de fil de la DST. Les policiers veulent le revoir. Pour quelle raison ? Vous allez voir, c'est assez étonnant. Le haut fonctionnaire se rend donc à la convocation, et là, on lui fait une proposition absolument incroyable. On lui demande de reprendre ses relations avec l'Américaine. Donc avec une femme qui est une espionne ? Oui, une femme qui se trouve être au cœur d'un véritable réseau. Car Plagnol n'était pas la seule cible. Il y avait un conseiller du ministre de la Culture, Alain Carignon, qui lui aussi a été approché. Et aussi un cadre supérieur de France Télécom. Mais l'objectif poursuivi par ce réseau, c'était les négociations du GATT, c'est ça hein, oui. Les Américains veulent en savoir le plus possible sur les intentions et les arguments des Français. Afin de pouvoir les contrer. Naturellement, dans une négociation aussi difficile, si vous connaissez le dossier et la stratégie de l'adversaire, vous partez avec un avantage certain. Je comprends, mais dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi demander à Plagnol de revoir l'Américaine. Pour l'intoxiquer. C'est-à-dire lui donner de fausses informations ? Pas tout à fait, c'est un petit peu plus subtil que ça. L'opération va consister à persuader les Américains que la France sera intraitable sur le dossier de l'audiovisuel. La France, mais aussi ses partenaires européens. Et pourtant, de ce côté-là, rien n'est encore acquis. Et le gouvernement français va devoir batailler très dur pour convaincre les autres membres de la communauté. En tout cas, si je vous ai bien compris, la DST demande à Henri Plagnol de devenir une sorte d'agent double. Hein. Tout à fait, c'est ça. Oui. Et alors, comment il réagit, lui ? Il faut d'abord dire qu'il n'y a rien de plus étranger au monde de la haute fonction publique que celui de l'espionnage. Oui. Oui, ça... Et pour être tout à fait clair, on a même tendance chez les hauts fonctionnaires à mépriser ces officines où l'on nage en eau trouble et où l'on utilise des moyens de basse police, comme ils disent. Alors, Plagnol va être tenté de refuser la proposition de la DST ? Oui, mais en même temps, il a une haute idée du service de l'État. Et puis, ne l'oubliez pas, il a une revanche à prendre. Une revanche sur celle qui a voulu le piéger. Et qu'il va essayer de piéger à son tour. Mmh. En outre, bien sûr, les policiers de la DST lui promettent que cette manœuvre de manipulation qui a reçu le feu vert du ministre de l'Intérieur demeurera confidentielle. Donc, en principe, personne ne saura jamais que le conseiller d'État va jouer l'agent double. Mais il en sera autrement, comme je vous l'ai dit au début de cet entretien. Nous en parlerons. Mmh. Alors, cette manœuvre d'intoxication-là, comment elle va se passer? D'abord, vous imaginez qu'il ne s'agit pas de se précipiter dans les bras de Marianne Baumgartner. Non, il faut au contraire se laisser désirer, c'est ça. Oui, ouais. Mais il ne faut pas éveiller les soupçons de l'américaine. Ensuite, et c'est le plus important, l'intoxication doit être minutieusement préparée. Et là, Plagnol va faire preuve de grandes qualités. Des qualités d'espion. Certainement, mais enfin, surtout des qualités de tacticien. Je vous explique. À la DST, on ne connaît pas grand-chose aux subtilités des négociations du GATT. Par contre, Plagnol, lui, est dans son élément. Il peut mettre au point un argumentaire crédible. Ouais. D'accord, mais enfin, il n'occupe plus de fonction où il est susceptible de recueillir des informations sensibles. C'est vrai, mais en raison de sa formation, il compte des amis dans nombre de cabinets ministériels. Par conséquent, il est à même d'avoir accès à de précieuses informations sur le GATT. Il suffit d'interroger discrètement ses amis. C'est en tout cas ce qu'il va faire croire à Marianne Baumgartner. Et celle-ci ne va pas se poser de questions à propos de la démission si rapide de son ami Plagnol du cabinet du Premier ministre ? Elle doit sûrement s'étonner, mais le conseiller d'État explique qu'il a démissionné pour des raisons personnelles. Et il est suffisamment habile pour convaincre Marianne Baumgartner. Mmh. Donc, à partir de cette reprise de contact, son travail d'agent double commence. Oui, les rendez-vous sont réguliers. Avant chacune de ces rencontres, Plagnol prépare ce qu'il va dire avec les policiers de la DST, et après, il rencontre. Est-ce que du côté américain, on apprécie son travail hein? Au plus haut point. La CIA est tellement satisfaite des services du haut fonctionnaire que bientôt, Marianne Baumgartner s'efface au profit d'une grosse pointure envoyée directement par Washington. Une grosse pointure, c'est qui ça? Un certain Pastor. Il s'agit bien sûr d'un pseudonyme. Et lui aussi a une couverture? Évidemment. Officiellement, Pastor représente les producteurs céréaliers d'un État américain. Mmh. Et avec lui, alors, ça se passe comment? Pastor inaugure une nouvelle méthode, à commencer par le lieu des rendez-vous. Désormais, il n'est plus question de se rencontrer dans des endroits chics. Les rencontres ont lieu dans des petits hôtels de banlieue. Pastor est plus prudent que Miss Baumgartner. Oui, d'autre part, à chaque rendez-vous, il remet un questionnaire à Plagnol. À charge pour le conseiller d'État de le lui remettre rempli à la prochaine rencontre. Et quel genre de questions? Les plus diverses. Toujours sur le GATT, hein? C'est le sujet central, oui. Tenez, je me souviens d'une question. Y a-t-il des divergences entre le président de la République et le Premier ministre sur la question du GATT? C'est-à-dire entre Mitterrand et Balladur. C'est vrai qu'on est en période de cohabitation. Oui, enfin le vrai changement est ailleurs. Pour la première fois, il va être question d'argent. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le journaliste Renaud Girard a donné une relation très précise de cette affaire dans une série d'articles du Figaro, paru en mars 1995. Voici comment il décrit le piège tendu par la DST au réseau de la CIA. Faisant mine de répondre au dernier message que Marianne Baumgartner lui a laissé à Matignon, Henri reprend contact avec l'espionne américaine. Il parvient facilement à lui faire gober les raisons personnelles de son départ du cabinet du Premier ministre. Conseiller municipal, conseiller général et suppléant d'un député de la banlieue parisienne, il se dit trop accaparé par sa carrière politique locale pour pouvoir continuer son travail à plein temps à l'hôtel Matignon. Citant à tout bout de champ ses camarades des cabinets ministériels et de l'ENA, Henri fait croire à Marianne qu'il reste professionnellement très lié avec les personnes clés du dispositif français de négociation du GATT. Le verre est-il dans le fruit fin mai 1993. Une mission officielle d'Henri au Burundi fournit opportunément une période de décantation à la CIA. La DST sait qu'un piège solide ne peut se réaliser dans la précipitation. Mise en confiance, Marianne franchit un pas décisif au début du mois de septembre. Elle demande à Henri s'il accepterait de rencontrer un de ses patrons, présenté comme un chef du lobby céréalier du Minnesota, qui viendrait tout exprès des États-Unis. Mais, explique-t-elle, l'homme étant très occupé, le rendez-vous devrait être fixé à l'avance et avoir lieu dans un hôtel proche de l'aéroport de Roissy. Les Américains ont mordu à l'hameçon. Quand vous parlez d'argent, élément nouveau dans cette affaire, hein, vous voulez dire que les Américains vont maintenant rétribuer Plagnol ? Tout à fait. Désormais, à chaque rencontre, Pastor remet une enveloppe de 5000 francs aux Français, en liquide, bien sûr. Oh, c'est pas énorme, hein ? Ouais, mais enfin, c'est à la fois peu et beaucoup. Bah, expliquez-moi. La somme en elle-même, c'est vrai, relativement modeste quand on songe à l'enjeu. Les règles du commerce international, mais c'est le principe qui est important. La corruption ? Oui. Un agent qu'on paie est un agent qu'on tient, pour longtemps. Car Pastor connaît son métier, il prend bien soin à chaque versement de faire signer Plagnol. C'est drôle quand on sait que ça se passe parfois sous l'objectif des caméras de la DST. Mmh, parce que la DST continue à surveiller. Histoire d'accumuler des preuves, au cas où. Des preuves contre les Américains. Naturellement, toujours intéressant pour un service de posséder ce genre de matériel. Ça peut servir un jour, n'est-ce pas? Au cas où on se ferait pincer par les autres. Exactement. Oui. Et l'argent, alors? Bah, ces enveloppes de 5000 francs, le haut fonctionnaire les remet scrupuleusement à la DST après chaque rencontre. Et le fond de l'affaire, parce que c'est comme ça le plus important, hein, c'est-à-dire sa manœuvre d'intoxication, réussit-elle ? Parfaitement, grâce à Plagnol, mais aussi aux deux autres personnages qui ont été approchés par les agents de la CIA. Les Américains maintenant sont persuadés que la France et ses alliés européens ne céderont rien dans la négociation finale du GATT, ni sur le volet culturel, ni sur le volet agricole. Par conséquent, ils règlent leur propre conduite sur cette conviction. Ouais. Effectivement, je crois qu'il faut le rappeler, la France obtient des concessions dans ces deux domaines. Hein. Fin 1993, oui. Et cette conclusion heureuse signe la fin de partie pour Henri Plagnol. Il rompt avec ses contacts américains. N'oubliez pas que ce n'est pas un professionnel, il a fait ça pour rendre service, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'il aurait pu continuer, car les gens de la CIA avaient une réelle confiance en lui. Et comment s'est déroulée cette rupture, hein? Écoutez, franchement, je ne le sais pas exactement. Ouais. Parce qu'il y avait cet argent qui lui avait été versé, qui aurait pu conduire les Américains à essayer de le faire chanter. Hein. À mon avis, ils ont dû essayer, mais les types de la DST ont dû intervenir. En tout cas, ça s'est arrangé entre gens du même monde, voyez-vous. C'est-à-dire dans la plus parfaite discrétion. Oui, mais pourtant, mais je vous dis, au début de cet entretien, l'affaire va quand même être rendue publique. Un an après, oui. C'est le journal Le Monde qui va mettre les pieds dans le plat en révélant une partie de l'affaire et les noms des principaux protagonistes. Ouais. Le journal est donc très bien informé, mais informé par qui ? Bah, certainement pas par des gens du contre-espionnage. D'ailleurs, à la DST, on est furieux. Pourquoi ? Pourquoi ? Bah parce qu'on rendait public ses méthodes, au risque de nuire à une nouvelle opération d'intoxication. Sans compter que ça n'encourageait pas d'autres hauts fonctionnaires à travailler pour la DST. Ça me paraît évident, oui. Bon, les Américains non plus n'avaient pas intérêt à révéler une affaire où ils n'apparaissaient pas à leur avantage. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Quant à Henri Plagnol, il ne tenait pas non plus à ce qu'on apprenne le rôle qu'il avait joué. Je vous ai expliqué pourquoi. Ouais. Alors, qui ? La fuite, une fuite parfaitement délibérée, pouvait venir de l'endroit où l'affaire avait été pilotée au plus haut niveau. C'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Le ministre lui-même ? Ou quelqu'un de son cabinet. Or, justement, l'un des conseillers du ministre avait une bonne raison de se venger des Américains. Lequel, là ? Qui ? Bon, inutile de donner son nom, il vous suffit de savoir que cet homme, au début des années 90, était consul aux États-Unis. Et à cette époque, il avait été accusé par le FBI de s'intéresser d'un peu trop près aux poubelles de quelques grands patrons américains. Ah oui, il faisait les poubelles. Pas lui, mais enfin les hommes du consulat, c'est ce qu'on a prétendu en tous les cas. Il aurait recherché dans ses poubelles des documents intéressants sur les activités de ses patrons et de leur entreprise. Oui, ça vous paraît sérieux ? Non, c'est certainement une affaire de cornucum. Enfin, notre consul n'a guère apprécié la plaisanterie. Il aurait pu être tenté de rendre l'appareil aux Américains ? Oui, mais enfin ça, j'y crois pas beaucoup. Même si cet homme avait de bonnes raisons d'en vouloir aux Américains, il n'aurait pas pris le risque d'assouvir un ressentiment personnel en déclenchant une affaire aussi grave. Une affaire qui va, je vous le rappelle, se terminer par l'expulsion de 5 agents de la CIA, dont le chef de poste à Paris. Ouais. Forcément. Alors, autre chose ? Il y a aussi la proximité de l'élection présidentielle. Monsieur Pasqua est alors englué dans une affaire d'écoute. Ah oui, c'est la fameuse affaire Schuller-Maréchal. Oui, et le ministre aurait pu être tenté de redorer le blason gouvernemental en révélant cette affaire d'espionnage où les Français ont tenu le bon rôle. Mais là non plus, vous n'avez pas l'air convaincu. Non. On peut aussi esquisser une autre hypothèse. La France a demandé à l'ambassadeur américain l'expulsion des espions de la CIA. Mais les États-Unis traînent des pieds. Ah oui, alors on rend l'affaire publique pour rendre cette expulsion inévitable. Oui, entre autres. D'accord, mais pourquoi demander cette expulsion un an après les fêtes, hein ? Oui, bon, vous avez raison, ça ne colle pas. Ah, il faut peut-être chercher la vérité ailleurs, au Brésil par exemple. Au Brésil ? Oui, enfin là-bas nous venons de perdre une importante bataille, je vous explique. Les Brésiliens voulaient se doter d'un considérable réseau de surveillance électronique en Amazonie. Un énorme contrat de plusieurs milliards de francs pour les firmes en compétition. Attendez, avant de voir cette compétition-là, pourquoi ce réseau de surveillance ? CIVAM, c'est son nom, doit permettre de veiller à la protection de la forêt amazonienne, mais aussi d'observer les activités des narcotrafiquants. Oui, je comprends, là. Et il y a une firme française en compétition ? Thomson. Et son principal concurrent est américain, il s'agit de Raytheon. Et dans le duel entre ces deux géants de l'électronique, tous les coups sont permis. Raytheon accuse Thomson de distribuer des pots de vin pour emporter le marché, et il ne fait nul doute que la CIA suit l'affaire de très près et approvisionne en munitions la firme américaine. Et le groupe français ? Il réplique avec les mêmes armes et les mêmes accusations, mais un peu tardivement, puisque ce sont finalement les Américains qui gagnent en 1994. Ouais. Et nos services de renseignement ne s'en sont pas mêlés ? Ils ne sont pas restés inertes, bien sûr, et là, nous touchons le fin fond de l'affaire. Car il ne s'agit pas seulement d'un affrontement commercial. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ? CIVAM, ce fameux système de surveillance de l'Amazonie, peut rendre de grands services, et pas seulement aux Brésiliens. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, là ? Vous connaissez le réseau Echelon ? Ah oui, il s'agit de ce système qui permet aux États-Unis d'espionner toutes les communications. Oui, les téléphones, les fax, Internet, etc. Et les satellites. Une gigantesque toile d'araignée qui permet aux Américains et leurs autres alliés anglo-saxons de surveiller toute la planète. Oui, et puis surtout de recueillir des informations militaires, mais aussi économiques. Hein. Surtout économiques. C'est la priorité pour les services de renseignement américains depuis l'écroulement de l'Empire soviétique. À l'époque, au milieu des années 90, on connaît encore mal ce réseau Echelon. Mais il y a des gens qui savent. Et parmi eux, naturellement, les spécialistes de la DGSE. Oui, notre service de renseignement. Oui. Mais le rapport avec cette compétition commerciale au Brésil ? Raytheon n'est pas n'importe quelle société. C'est l'une des firmes américaines qui contribue à l'élaboration et la construction du réseau Echelon. Ah oui, alors on peut donc penser que le système de surveillance de l'Amazonie, là, pourrait être intégré au réseau Echelon. C'est évident. Et la DGSE, on l'a très vite compris. Et c'était l'un des enjeux essentiels de cette compétition entre le français Thomson et l'américain Raytheon. Ouais. Et une compétition perdue par la France, il faut le rappeler. Et donc un succès pour les promoteurs du réseau Echelon. Ouais. Et vous pensez qu'il y a une relation entre cette affaire et celle des espions du GATT ? Ça, j'en suis persuadé. En rendant cette histoire publique, on a voulu adresser un signal très fort aux Américains. Mais un signal qui voulait dire quoi ? Une sorte d'avertissement. Vous, les Américains, vous êtes nos alliés. Mais nous n'ignorons rien de vos manigances. Et nous n'hésiterons pas à vous mettre des bâtons dans les roues à chaque fois qu'il le faudra. Ouais. Alors, la fuite viendrait de la DGSE ? Pourquoi pas ? Mais je suis sûr qu'un jour ou l'autre, nous parlerons ensemble du fameux réseau Echelon. Que penser de l'hypothèse émise par M. X ? Je ne le sais pas même, si c'est vrai. Beaucoup d'observateurs ont fait un lien entre l'échec de Thomson au Brésil et la révélation de l'existence des espions de la CIA. Alors un mot sur le réseau Echelon, dont l'existence a été révélée pour la première fois par un chercheur néo-zélandais, Nicky Hager. Je le cite. Le système Echelon a été conçu de manière à interconnecter tous les systèmes d'écoute pour leur permettre de fonctionner comme les composants d'un tout intégré. Les stations de réception satellitaire captent l'ensemble des faisceaux des satellites Intelsat, la plus importante d'entre elles, localisée à Manwith Hill, en Angleterre, étant placé sous le contrôle direct de la NSA. La masse d'informations recueillies est toutefois trop importante pour pouvoir être exploitée sans traitement préalable par les effectifs des services de renseignement. Les stations d'interception reçoivent les millions de messages destinés aux stations terrestres légitimes et utilisent des ordinateurs pour dénicher ceux qui contiennent des adresses ou des mots-clés pré-programmés. Et assez cyniquement, un ancien directeur de la CIA, James Woolsey, a justifié ainsi cet espionnage dans un article du Wall Street Journal publié l'an passé. Eh oui, chers amis continentaux, nous vous avons espionné parce que vous distribuez des pots de vin. Les produits de vos compagnies sont souvent plus coûteux, moins avancés sur le plan technologique ou les deux à la fois, que ceux de vos concurrents américains. En conséquence de quoi ? Vous corrompez beaucoup. Vos gouvernements sont tellement complices que dans plusieurs pays européens, les pots de vin sont encore déductibles des impôts. Sans commentaire. À samedi prochain, et je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet franceinter.com. Vous pouvez aussi y trouver des renseignements bibliographiques.